Dans le timide dame la caillou, non? Yo condense. Oh oh. Son pachita la caille, la pluie a fait tomber, nous parlons un peu planté. En avant, non, monsieur, garçon pachita la caille, la pluie a fait tomber, nous parlons un peu planté. Oh. Dans le timon la caille, non, yo condense. Oh oh, le nom fini colpé, le timon yo tombé dansé. Yo pas le bien manger, reste à porter le marché. L'on a fini récolter, tout timon yo tombé danser. Yo pas le bien manger, reste à porter le marché. N'a planté patate, n'a planté maïs, n'a planté turiban, manioc à point Congo. N'a planté patate, n'a planté maïs, n'a planté turiban, manioc à point Congo. Voyez-vous nous parler danser. N'a planté maïs, n'a planté patate. Petit mouillon, pas les mains. Démangé, n'a planté banane. Petit mouillon, pas les mains. N'a planté maïs, n'a planté patate. Petit mouillon, pas les mains. Qui font un congo qui m'a zombelle. Petit mouillon, pas les mains. En vérité, nous pas les travailler. Petit mouillon, pas les mains. Oui, la pluie tombe, la veine sacrée. Petit mouillon, pas les mains. Nous doit pas rester, mais faut la travailler. Petit mouillon, pas les mains. Mesdames la caillou, non. Yo condense. Préparez pour la caille, monsieur, dame.